El Padre de la Noche. Hey, fais-leur passer le message sur une prod à l'ancienne. Hey, on a remis ça. C'est le Padre de la Noche. Confession d'un teutré, hein, fidèle comme Castro. J'arrive seul et je casse tout, je l'incastré. Vos égos passeront un sale quart d'heure. Pour faire une bonne paranoïa, faut une bonne dose de peur. Soyez pas type, hein, ça risque de me dober. On m'a dit NZ, tu vas cramer. Sachez que les flammes n'effraient pas les mecs enflammés. La folie m'envahit, miskin, je me trouve fameux. Celui qui m'a fait le plus de mal ici, c'est moi-même. Amine, amen, des messages je ramène. Vos seikons, je les entends mais je les écoute pas. Coupable et parano, quand je parle, tu me coupes pas. Réaction imprévisible, douleur insoutenable. Ma publie, c'est ma vie ici que je publie. Je me parle à moi, mais en public, ne comprendront que les gens véridiques. Poto, t'es minable, NZ est subliminal. Mande à mes ex, je suis irritable. Faites-leur passer le message. Confession. Faites-leur passer le message. Faites-leur passer le message. Faites-leur passer le message. Faites-leur passer le message. Faites-leur passer le message. Faites-leur passer le message. Faites-leur passer, passer, passer, passer. Emprisonné par la haine, je purge ma peine. Au rendez-vous des braves gars, je manque pas l'appel. Les hommes se cachent pour pleurer, je m'isole, j'ai de la peine. Mon esprit s'est évadé, ils aient fait la belle. Hey, le flot d'un troupeau d'éléphants, fais pas le fou. Fuck le blabla et vive les faits. J'guette mes défauts, je suis parfait, rarement faux. Graverai votre rap de merde, je vais le mâcher. Et y'a du neuf sur le marché. Sois pas jaloux si on vole ta chica. Le rap FR est dans ma chicha. Je vais tous vous recracher comme de la fumée. Tais-toi si tu peux pas assumer. Hey, c'est le padre de la noche. Faites-leur passer le message. Faites-leur passer le message. Faites-leur passer le message. Faites-leur passer le message. Faites-leur passer le message. Faites-leur passer le message. Faites-leur passer le message. Faites-leur passer, passer, passer, passer. Ils jouent aux échecs, elles aident pas au sudoku. Demande au CDK, j'sauve personne, j'suis pas Son Goku. C'est tous des croyants non pratiquants. J'ai aucune leçon à recevoir de ces gens. Pour voir l'amour, j'ai dû voir la mort. Le taf le plus taf, c'est croque-mort. Si tu te fais braquer, j'comprendrais. La foule à faim, c'est fait exprès. C'est pas le même contrat de contrat. Et un plus un contrat. D'être en mode crypté, j'suis contraint. Ils ont nos tatouages en photo. T'es fou toi, fuck le drapeau blanc, j'suis pas courtois. Moi j'suis pas pour toi, mais si on me cherche, j'suis sans toi. Faites-leur passer le message. Confession. Faites-leur passer le message. Faites-leur passer le message. Faites-leur passer le message. Faites-leur